on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au regattedesaintfélicien.com. On va parler avec Xavier Bouchard. Xavier Bouchard qui est le fils de Gilles Bouchard qui est natif de Normandin. Xavier Bouchard qui devrait être réclamé au repêchage de la Ligue nationale de hockey samedi. Il est répertorié en deuxième ou troisième ronde. On va le rejoindre pour savoir quel genre de semaine qu'il va passer. Salut Xavier. Salut, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Xavier, c'est toute une semaine. Là. Je veux dire, là, on est à quoi? 6 jours du repêchage. Ben, ça commence vendredi soir. Comment tu vis ça? Ah, c'est sûr, comme tu as dit, c'est une grosse semaine. Là. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là, puis on a travaillé fort toute notre vie pour ce moment-là. Donc, c'est sûr que ça va être une grosse semaine en perspective, puis... ça va être le fun, puis on va voir comment ça va aller. OK. Toi, comment tu, Xavier, comment ça va se passer? Là, tu imagines que tu vas quitter avec ton père Gilles, puis ta mère vendredi, probablement ta copine, c'est une vendredi, c'est ça? Pour Dallas? Non, moi, je pars mercredi. Dans le fond, on avait tout le temps 2 jours avant. OK. D'habitude, puis je pars avec mon agent, puis d'autres joueurs. Puis mes parents, ils vont venir me rejoindre le lendemain, donc... C'est sûr que j'arrive tout le temps, tu sais, je vais arriver 2 jours avant le draft là, pour parler de la ville, puis de faire des entrevues à dernière minute. OK. Là, tu as eu plusieurs entrevues au cours des derniers jours, des dernières semaines, j'imagine? Oui, c'est sûr qu'au Combine, ils font beaucoup d'entrevues. Là, le Combine, c'est pas mal juste ça, des entrevues puis les tests physiques. Donc, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'entrevues, puis je pense que ça a bien été en général. Donc, on va voir ce que ça va donner samedi. Xavier, si moi j'ai lu à travers les branches que tu avais connu un très très bon test d'habileté, les combines qu'on appelle, là. Donc est-ce que c'était il y en a même qui ont dit que probablement ça va t'aider à gagner des rangs. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est sûr que je pense que je te dirais que les gars qui sont classés haut dans la centrale là, sont. Même s'ils font pas des bons tests, je pense que ça les aide pas à perdre des points. Mais moi, dans la situation que je suis, je pense que les tests physiques m'ont aidé à gagner un petit peu de points. C'est sûr que le combine m'a aidé, puis les entrevues aussi ont été bonnes, donc ça augure bien. OK. Xavier, est-ce que j'écoutais Stéphane Leroux qui disait que t'as pas connu une bonne saison nécessairement. Et parce que je me rappelle, tu étais répertorié à fin de première ronde, début de deuxième au mock draft. Puis c'est pas parce que t'as pas de talent, c'est peut-être parce que tu t'es mis trop de pression. Et le fait de le Drakkar était une équipe quand même jeune, tu jouais contre la première et première unité offensive. Est-ce que c'est vrai? Non, ça? Ouais, c'est tout à fait vrai, là. Tu m'en caches pas. Je pense que j'ai eu une année plus difficile, là, on va se le dire, mais je pense que j'ai 16 ans, j'ai eu une bonne saison. Puis c'est peut-être pour ça que j'étais classé plus haut, mais. Les classements, oui, ton nom est sur une liste, mais ça veut rien dire. Donc, l'important, c'est d'être repêché, puis il y a des bonnes chances que ça arrive en fin de semaine. Donc, on va voir ce qui se passe. Puis après ça, quand tu es rendu sur la glace avec les pros, ben, tu n'as pas de numéro dans le dos. Là, c'est juste content d'être au camp, puis tu fais ta place. Là. OK. Dis-moi, Xavier, est-ce que tu as eu des discussions avec les Canadiens? Les Canadiens qui ont 4 choix en deuxième ronde, est-ce que tu as eu des discussions? Ouais, je les ai parlé au courant de l'année, puis au Combine, je les ai rencontrés encore. Donc, les entrevues ont bien été, mais on va voir comment ça se passe. Là. OK. Toujours la question qu'on te pose lors de ces entrevues-là, hein, c'est pas nécessairement toi, hein, c'est pas nécessairement le joueur de hockey qu'on veut savoir, mais c'est vraiment là, vraiment comment le joueur est, la personnalité du joueur, dans le fond. Là. Ouais, Oui, exactement. Il veut juste. Ils t'ont vu jouer dans les dernières années, ils t'ont vu jouer peut-être 15 à 20 fois par année. Donc, ils te connaissent sur glace. C'est plus, c'est juste pour savoir quel genre de personne que t'es hors glace, puis ton, quel genre de caractère que t'as, puis okay. Essaye de poser des questions sur, t'sais, au début c'était sur ta famille, ou savoir c'est quoi ton entourage, puis des fois ils te mettent dans des situations, puis ils te demandent comment tu réagirais, juste pour voir quel type de personne que t'es, donc c'est super le fun. Ben Xavier, on va te souhaiter la meilleure des chances, on va suivre ça. Il y a quelques années, Philippe Paradis de Normandin avait été un choix de première ronde. C'est sûr que t'as pas les mêmes liens, c'est ton père qui est né en Normandin, mais tu viens quand même de temps à autre, donc on va suivre ça de très très près. Parfait, merci beaucoup. Xavier Bouchard du Drakkar de Baie-Comeau et le fils de Gilles Bouchard.